السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، donc là on va reprendre le درس qui était prévu la semaine dernière et qui finalement n'a pas eu lieu, cause faute de connexion. Dès le début, ça avait coupé, ça revenait pas, donc j'ai pas insisté. Et directement, on a interrompu le DERS. En espérant qu'aujourd'hui, cela sera différent. Donc on allait parler de Shafa'a, qui est l'intercession. L'intercession. Et cette intercession, à la base, l'oratène, كما ذكر الشيخ العثيمين, هي طلب توسط بالغير لاستجلاب منفعة أو دفع مضرة. C'est le fait de souhaiter qu'une personne intervienne en ta faveur auprès d'une autre en vue de pouvoir obtenir un profit ou de repousser un préjudice. هذا المعنى الشفاعة أو معنى الشفاعة في الدنيا. Et la shafa'a shar'iyya, c'est qu'on va prendre aujourd'hui, c'est celle qu'on va découvrir à travers les adillah. Et elle est de plusieurs sortes. Elle est de plusieurs sortes et on va en parler là, bismillah. Et c'est un sujet qui sépare entre la croyance des gens de la sunna et ceux des Khawarij, qui eux voient qu'il n'y a pas de shafa'a. Parce que pour eux, toute personne qui aura commis des grands péchés, ensuite il faut voir de quel grand péché ils parlent, car les Khawarij diffèrent. Ils voient qu'il n'y a pas de shafa'a et qu'ils seront finnar khalidin mukhalidin, éternellement. Fayaqul al-musannifu rahimahullahu ta'ala. السؤال الرابع والثلاثين بعد المئة 134 question. يقول ما دليل الإيمان بشفاعتي ومن من تكون ولمن تكون ومتى تكون. Donc il a dit c'est quoi la preuve de la foi en cette intercession, car il faut y croire obligatoirement. Et pour qui elle est et par qui elle est et quand est-ce qu'elle a lieu. Et ça sont les trois shurut de la shafa'a. Comment peut-elle avoir lieu? Qui peut intercéder et pour qui on intercède? يقول قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضيع كثيرة بقيود ثقيلة. Donc Allah عز وجل dans son livre a plusieurs fois affirmé l'existence de cette shafa'a, mais avec des conditions strictes. وأخبرنا تعالى أنها ملك له ليس لأحد فيها شيء فقال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. Donc Allah nous a informé que cette shafa'a est sa propriété absolue, que personne n'y a de part. Dans le sens où il dit c'est à Allah qu'appartient l'intercession intégralement. Az-Zumar, verset 44. فَمَّا مَتَ تَكُونَ فَأَخْبَرَنَا عَزَّ وَجَلَ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا بِإِذْنِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Donc quand est-ce qu'elle a lieu, cette shafa'a, dans le Coran, elle nous a informé que celle-ci n'a lieu qu'après qu'Allah l'ait permise, l'ait autorisée. Dans le sens où il dit, et qui donc intercédera auprès de lui si ce n'est après sa permission. Surat al-Baqarah, verset 255. Et ça, c'est dans le Ayat al-Kursi qu'on lit ce verset-là. Ma min shafi'in illa min ba'di izni. Il n'y a aucun intercédeur si ce n'est après sa permission. Yunus, verset 3. Wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'd an yazina Allahu liman yasha wa yarda. Et combien donc d'anges dont l'intercession ne sert à rien si ce n'est après que Allah l'ait autorisé, pour qui il aura voulu et aura agréé. Al-Najm, l'étoile, verset 26. Donc même les malaïka, d'accord, n'ont pas de droit dans cette shafa'a, si ce n'est après qu'Allah l'aurait permis. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ. Et que la shafa'a ne servira à rien à part pour ceux à qui l'aura autorisé. Saba, verset 23. Donc comme vous voyez, c'est Adilla affirme de l'existence de cette shafa'a, cette intercession. Et elle ne se demande qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, première condition, que cette shafa'a n'a lieu qu'après que Allah l'a autorisé. Tayyib, ça c'est un point important à retenir. وَمَّا مَنْ أَوْ مِنْ مَنْ تَكُونُ فَكَمَا أَخْبَرَنَا تَعَالَى أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ أَخْبَرَنَا أَيْضًا أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ إِلَّا لِأَوْلِيَائِهِ الْمُرْتَضِينَ الْأَخْيَارِ كما قال تعالى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. Donc après cela, Allah Azza wa Jal nous informe que cette shafa'a ne sera accordée qu'à ses rapprochés, ses awliya, qui l'agréent, qui sont les meilleurs des gens. Alors ça soit là, il dit, et nul ne parlera ce jour-là à part à qui Allah ou le Rahman l'aura autorisé et qui dira la vérité. Al-Naba, l'annonce, verset 38. وقال لا يكلم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Et que nul ne possède cette intercession si ce n'est ceux qui auront pris un engagement auprès d'Allah. Maryam, verset 87. Et ça, il s'agit des awliya. D'accord? Ce sont les awliya, les rapprochés, les alliés d'Allah. Donc ça, c'est la deuxième condition. Voyez que les seuls qui seront aptes à pouvoir intercéder sont des gens que Allah agrée. C'est awliya. D'accord? C'est awliya. وَمَّا لِمَنْ تَكُونُ فَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ لَا يَذَنُ أَنْ يُشْفَعَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى. Ensuite, cette intercession, qui en sera favorisé? Qui en sera gratifié? Qui y aura droit? Ce n'est que pour les gens que Allah aura agréés. Comme dans le sens où il dit, ils n'intercéderont que pour ceux que Allah aura agréés. Al-Anbiya, les prophètes, verset 28. يَوْمَ إِذِنْ لَتَنْفَعُ الشَّفَاعَةِ إِلَّا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Et que ce jour-là, l'intercession ne servira qu'à ceux à qui Allah aura permis et qu'il aura agréé. C'est-à-dire leur parole également. Taha, verset 109. وقال وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص أما غيرهم فقال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. Donc qui sont ces gens que Allah agrée, pour qui il accorde sa shafa'a? Ce sont les gens du tawhid et de la sincérité, donc les croyants seulement. Quant aux autres, ils n'y auront pas droit. قال que les injustes n'auront ni d'ennemis chaleureux ni d'intercesseurs. Et là, les zalimoun dont il parle, il s'agit des koufars, du zulm akbar, des zulm majeurs. Et non pas les simples zalimoun, les gens de l'islam qui sont faits du mal eux-mêmes par les péchés. Eux auront droit à la shafa'a, les gens du tawhid. Wa qala ta'ala 'anhum, fama lana min shafi'in wa la sadiqin hamim. Et ces gens-là diront, dans le sens où là il parle d'eux, et n'en avons ni d'intercesseur, ni d'amis chaleureux. Surat al-Shu'ara, les poètes, verset 100. وقال تعالى فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. Dans le sens où Allah dit à propos d'eux également, toujours les koufars, que l'intercession des intercesseurs ne leur servira à rien. Al-Muddassir, verset 48. Donc là vous voyez que en fait les khawarij, ils ont pris ce genre de verset qui récuse cette intercession et l'ont appliqué sur tout le monde en disant qu'il n'y a pas d'intercession dans l'absolu. On dit non, l'intercession elle existe, mais attention, pour qui elle est et comment elle aura lieu. Donc elle existe, il faut y croire. وَقَدْ أَخْبَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أُوتِيَ الشَّفَاعَةَ ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ يَأْتِي فَيَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ وَيَحْمَدُ رَبَّهُ بِمَحَامِدٍ يُعَلِّمُهُ إِيَّاهَا وَلَا يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَوَّلًا حَتَّى يُقَالَ لَهُ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعُ وَسَلْ تُعْطَى وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a informé que cette chafa'a lui sera accordée. Cependant, il dit qu'elle ne sera pas accordée directement. Il y aura des choses à faire au préalable. D'abord, il faudra qu'il se prosterne sous le trône et qu'il loue Allah azawajal par des louanges qui ne seront appris qu'à ce moment-là, c'est-à-dire des éloges pour Allah azawajal qu'il ne connaissait pas auparavant, qu'Allah lui apprendra à ce moment-là seulement, spécifique. Donc il ne commencera pas directement par intercéder, jusqu'à ce qu'il lui soit dit, « Ô Mohammed », une fois qu'il sera prosterné, il lui sera dit, « Ô Mohammed, lève ta tête, parle, tu seras écouté, demande, tu seras accordé, et intercède, cela te sera également exaucé. » Donc ce n'est pas directement qu'il intercède, mais il aura encore des choses à faire avant. ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة بل قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم يرجعوا فيسجد كذلك فيحد له حدا إلى آخر حديث الشفاعة. Ensuite, il nous informe également le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'intercèdera pas pour les gens désobéissants d'une seule foulée, mais cela se fera en différentes étapes, c'est-à-dire qu'il fera entrer un groupe, ensuite il devra retourner se prosterner et encore faire ses louanges à Allah Azzawajal pour qu'il reçoive la même chose. Et de là, il faudra rentrer, avec la permission d'Allah Azzawajal, un autre groupe au Jannah. Ainsi de suite. Il ne faut pas entrer les gens d'un seul coup. وَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنَ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ خَلِصًا مِنْ قَلْبِهِ. Et Abu Huraira, dans un hadith rapporté par Abu Khali Ahmed, il a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont les plus heureux des gens de ton intercession? Il a dit, ceux qui auront dit la ilaha illallah en étant sincères dans leur cœur. Donc qui sont ces gens? Al-Muwahidun, les gens du Tawhid. Taïb, Al-Muwahidun. Donc les gens du Shirk et du Kufr n'y auront pas droit. Donc sachez que cette Shafa'a, Kadhalik, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est parmi les choses qui lui sont accordées. Car il a dit que chaque prophète a eu un dua qui lui était exaucé. Il a dit, quant à moi, je l'ai gardé de côté pour en faire une intercession pour les gens de ma communauté. Yom al-Qiyamah. Cette dua exaucée, à la base, les Anbiya ont plusieurs dua exaucés, mais ils en ont chacun un spécifique. D'accord? Ils en ont chacun un spécifique. Par exemple, Nuh alayhi salam, son dua, il l'a pris pour que Allah extermine son peuple. Mathalan. Et lui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce dua, il l'a gardé justement en guise de shafa'a, qu'il sera accordé. Wa qala fi as-su'al al-khamis wa 30 ba'd al-mi'a. 135e question. Kam anwa' ash-shafa'a wa ma a'zamuha. Donc de combien de catégories est cette shafa'a? Et qui est la plus grande forme de shafa'a, la plus importante. يقول أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Donc l'intercession majeure, c'est celle qui aura lieu lors de la station après la résurrection, lorsque Allah Azawajal devra justement juger d'entre les serviteurs. Et cette intercession, elle est spécifique à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'on appelle al-maqam al-mahmoud. Al-maqam al-mahmoud. Ce fameux maqam que Allah a promis à son prophète lorsqu'il a dit dans le sens et que ton Seigneur te ressuscitera justement en une position, littéralement on dirait comme ça, Marcom et Mahmoud. Marcom, c'est le lieu où tu te tiens, et Mahmoud, c'est une chose qui est louable. Là, c'est traduction linguistique, mais le sens, c'est la shafa'a al-uzma, la shafa'a majeure, que Allah te ressuscitera en t'accordant cette intercession majeure. Surat al-Isra, verset 79. Donc, quelle est-elle? ذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ابن مريم، وكلهم يقول نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، كما جاء مفصلا أو مفصلا في الصحيحين وغيرهما. Donc en quoi consiste cette intercession majeure? C'est lorsque les gens seront en situation tellement douloureuse et tellement éprouvante à attendre justement que leur jugement vienne et que le soleil soit au-dessus de leur tête et qu'ils seront noyés dans leur sueur et pris dans une frayeur intense et une angoisse incomparable, d'accord? À ce moment-là, ils chercheront à ce qu'on intercède pour eux. Mais quelle intercession est-ce qu'ils vont demander? À ce que ce jugement il ait lieu, en fait. Ce n'est même pas forcément entrer au paradis ou autre, c'est que cette situation qu'ils vivent, qu'elle s'achève, qu'elle s'arrête, qu'on juge enfin entre eux. Car ce moment-là, il sera extrêmement difficile. Donc ils iront voir chaque prophète pour demander cela. Ils iront voir en premier Nour, ensuite Ibrahim. En premier, ils iront voir Adam, ensuite Nour, ensuite Ibrahim, ensuite Moussa, ensuite Issa. Et chacun, d'accord, chacun renverra vers l'autre en disant Nefsi, Nefsi, Nefsi. C'est-à-dire, ils seront un moment eux-mêmes effrayés en disant que Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab mithlahu qabla wa lan yaghdab mithlahu ba'da. Nefsi, Nefsi, Nefsi. Ils diront Mon Seigneur est d'une colère aujourd'hui sans précédent et qui n'aura par la suite pas d'équivalent. Et Nefsi, Nefsi, Nefsi, dire aujourd'hui je pense à moi. Et chacun citera une faute qu'il aura commise, ou qu'il pense avoir commise, étant à sa défaveur. Chose qui n'est pas le cas. Mais tellement ils auront peur qu'ils diront cela. Mais Salah Nour, lui, à ce moment-là, rappellera cette invocation qu'il avait contre son peuple. Donc il aura peur pour lui. Alors qu'à la base, ce n'est pas un mal. Taillé. Adam, en premier lieu, j'ai oublié de citer, lui citera justement l'arbre dont il a mangé, qui lui était interdit, alors que Allah Azzawajal lui a déjà pardonné. Malgré cela, il aura peur à ce moment-là. Donc il enverra vers Nour. Nour, lui, à ce moment-là, citera justement cette invocation qu'il a fait contre son peuple, lorsque tout le monde a été exterminé. Et après, il enverra les gens vers Ibrahim, alayhi salam. Ibrahim, lui, citera trois mensonges, ou ce qu'il nomme comme étant des mensonges, qui en réalité étaient des tauriyas, qui étaient, on va dire, des formes de sous-entendus, d'accord, qu'il a fait pour pouvoir être préservé ou pour pouvoir avoir le dessus sur son peuple. Il les nommera kaziba, comme étant des mensonges. Alors, ce ne sont pas des mensonges, ce qu'on appelle tauriyas en arabe. C'est laisser apparaître une chose à l'auditeur qui, en réalité, cache une vérité que seul l'orateur connaît. D'accord? Par exemple, quelqu'un il vient chez toi et te dit est-ce que Foulen, ils veulent trouver quelqu'un? D'accord? Il frappe à ta porte. Ils te disent est-ce que Foulen est là? Toi, tu es dans l'entrée. D'accord? Tu es dans l'entrée. Et Foulen, il est chez toi, dans la maison, mais dans une pièce, derrière. Et tu ne veux pas le donner, sinon il va subir un mal. Quand on t'ouvre ta porte, et tu réponds aux autorités, tu leur dis Foulen n'est pas là. Et quand tu dis n'est pas là, toi tu vises l'entrée où tu te trouves, avec ton doigt. Tu dis n'est pas là comme ça. Et ils vont croire quoi? Qu'il n'est pas chez toi. Alors qu'il est chez toi. Mais toi tu vises quoi? Le lieu où tu te trouves toi maintenant, là, dans le couloir, par exemple, de la porte d'entrée. Tu dis n'est pas là. Est-ce que tu as menti? Tu n'as pas menti. Mais lui, l'auditeur, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que Foulen n'est pas dans la maison. Ça s'appelle une tauriya. C'est ce que Ibrahim il a fait, alayhi salam. Malgré cela, il est porte pour lui. Ensuite, il va envoyer vers Moussa, alayhi salam. Et Moussa, lui, va dire qu'il a tué une personne alors qu'il n'avait pas reçu l'ordre. Alors qu'en réalité, il l'a tué involontairement et en voulant défendre un innocent. Lorsqu'il a frappé d'un coup de poing ce copti pour le défendre l'Israéli. Et en le frappant, il l'a achevé, il l'a tué. Mais il ne voulait pas le tuer. D'accord? Malgré cela, il a peur pour lui. Et à ce moment-là, il renvoie les gens vers Issa. Et Issa, contrairement aux autres anbiya, ne citera aucun péché. Mais il dira, pareil que les autres, que son Seigneur est en colère, et il dira, allez voir Mohammed. Et là, les gens iront vers Mohammed, et Mohammed dit, oui, cette shafa'a, elle est pour moi. C'est celle-ci qui lui était accordée, ce qu'on appelle le maqam al-mahmoud. Non. Donc ça, c'est la première forme de shafa'a, qui est la majeure. D'accord? C'est la majeure. Ensuite, الشفاعه في استفتاح باب الجنه واول من يستفتح بابها نبينا او من يستفتح عفوا بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخلها من الأمم أمته. Donc deuxième intercession pour que les portes du Jannah soient ouvertes. Et cette shafa'a, intercession, elle sera pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les premiers qui vont entrer au Jannah, ce sont les gens de l'islam. Liaza qu'a l'annabi sallallahu alayhi wa sallam, nahnu l'akhirun wal awwalun. Nous sommes les derniers, c'est-à-dire la dernière communauté à être venue, mais les premiers à rentrer au Jannah. Donc les portes du paradis seront ouvertes à la demande du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une kazalik, une intercession qui lui est propre à lui. الثالثة الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. Ensuite, troisième intercession, c'est pour que des gens qui devaient rentrer au feu, qui n'y entrent pas. Qui n'y entrent pas. Et celle-ci n'est pas spécifique au prophète. Mais à plusieurs. Ça peut être les anges, ça peut être d'autres prophètes, ça peut être des gens pieux. الرابعة في من دخل من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون وقد أمتحشوا. وصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل البخاري. Et la quatrième, c'est que des gens de Tawhid qui étaient au feu en sortiront, alors qu'ils étaient complètement calcinés et devenus comme du charbon. D'accord? Devenus comme du charbon. Et eux, ces gens-là, seront carbonisés et mis dans le fleuve de la vie. Ça s'appelle Nahal Haya. Et de là, ils en sortiront complètement rétablis. Complètement rétablis. Et de là, ils rentreront au Jannah. Al-Khamis à la cinquième, Al-Shafa'a fi raf darajat akwam min ahl al-Jannah. Wa hadhi thalath laysat khassatan bi nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walakinahu wal maqam aw al muqaddam fiha thumma ba'dahu al anbiya wal malaika wal awliya wal afrat yashfa'un. ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة ولا يصيهم إلا الله فيدخلون الجنة. Et la cinquième shafa'a, c'est pour élever en degré des gens au paradis, des gens qui étaient à un niveau, pour qu'ils soient à un niveau plus haut. D'accord? Et ces trois shafa'a qu'on a citées là, maintenant là, qui sont que des gens ne rentrent pas au feu, ou qui est de sortir des gens du feu, ou qui est d'élever des gens en degré, ces trois shafa'a ne sont pas spécifiques au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est lui qui en est prioritaire. C'est lui qui a plus droit que les autres. Sans quoi, comme on l'a dit, des malaïka vont faire la shafa'a, et d'autres croyants, d'autres prophètes et messagers feront la shafa'a, et d'autres croyants feront la shafa'a. Et pour finir, Allah azawajal, lui-même, Tayyib, sortira des gens du feu, des gens, par sa rahma, qui, dans un hadith, en apparent, disent, lam yarmelo, yarmelo khaylon kot, qui n'ont jamais fait de bien. Mais que veut dire ce hadith? Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais agi. D'accord? Mais qu'ils n'ont jamais fait d'œuvres qu'ils auraient valu le Jannah ou des œuvres en apparent. Car d'autres hadiths sont venus pour dire que quelqu'un qui n'a jamais fait une chose ne veut pas dire qu'il n'a jamais rien fait. Mais qu'il n'a pas fait ce qu'il méritait d'avoir. D'accord? Taïe. C'est comme dans le hadith justement de cet homme qui a tué 99 personnes. Si vous vous rappelez, à la fin quand il meurt, une fois qu'il a fait Tawbah, les anges viennent pour prendre son âme. Et de là, il y a un désaccord entre les anges de la Rahma et les anges du châtiment. Les anges de la Rahma disent, mais il est venu ta'iban mukbilan ila Allah azawajal. Il est venu repentant avec un cœur consacré à Allah azawajal. Et les autres, ils ont dit, lam yarmal khaylan qat. Les anges du châtiment ils ont dit, il a jamais fait de bien cet homme-là. Alors qu'il venait de faire une tawbah. Il était parti voir les savants pour demander comment faire. Donc il a fait un acte. Taïb, donc faut bien comprendre, lam yarmal khaylan qat, qui n'a jamais fait de bien, ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait du tout. Mais qui n'ont rien fait de considérablement pris en question. Ou des fois, ce sont des actes qui n'ont pas été vus par les autres. Et ainsi de suite. Pour pas que les gens s'imaginent qu'on peut rentrer au Jannah sans acte. Sans avoir rien fait du tout. Là, El Armel, Min, El Iman. Les actes font partie de la foi. D'accord? Ces hadiths, on va comprendre avec d'autres hadiths. On prend un hadith tout seul et après, on en fait un jugement. Là, Taïeb, les œuvres font partie de la foi, obligatoirement. S'il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de foi. Quoi que prononce la langue et quoi qu'il est dans le cœur, s'il n'y a pas d'acte qui en découle, Taïeb, c'est qu'il n'y a pas de foi. Non. Taïeb. Donc, ça a dit ça. Sixième shafa'a, fi tarfif azab ba'd al-kuffar. وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره. La sixième chafa'a, celle-ci qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de minimiser le châtiment d'un kafir. Et celle-ci a été accordée à Abu Talib. Taïeb, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été interrogé au propos de son oncle, il a dit qu'il est à un niveau du feu, à tel point que il a comme des fournaises, des braises sous les, sous ses pieds, qui font ébouillonner son cerveau. Et cet homme, qui est Abu Talib, pensera tellement son châtiment est dur qu'il a le pire des châtiments. Et pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, walaula shafa'ati la kana fi ad-dark al-asfal min an-nar. Il a dit, si ça n'avait pas été mon intercession pour lui, il serait au niveau le plus bas du feu. Et pourtant, lui, cet homme-là, c'est l'homme qui aura le châtiment le plus, le moindre. Le moins sévère. Pourtant, lui, s'imagine avoir le châtiment le plus sévère. Taïeb. Et, contrairement à cela, les gens qui vont rentrer au Jannah, celui qui aura le niveau le plus bas du Jannah, pensera qu'il a le meilleur niveau. Il aura cette dunya et 10 fois son équivalent. Le dernier homme qui rentrera au Jannah, comme cela est dans un hadith, voyez, Allah lui dira, imagine-toi tout ce que tu veux. Il va s'imaginer. Et Allah lui dira, imagine-toi encore, à tel point qu'il n'aura même plus d'imagination, tellement il aura imaginé. Et Allah lui dira, rentre au Jannah et tu auras ce que tu as imaginé et 10 fois avec. Et 10 fois avec. Et ça, c'est l'homme qui aura le niveau le plus beau au Jannah. Ya subhanallah. Réalisé. Il s'imaginera qu'il a le niveau le plus haut. Et pourtant, il y a plus haut, qui est le Firdaus al-A'la. Le niveau le plus haut, qui est au Firdaus al-A'la. Non. Yaqul, wala yazal fi hadith, wala yazal jahannam, yulqa fiha, taqul, hal min mazid, hatta yada rabbu al-izzata, fiha qadamahu, فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد قد وعزتك فيبقى في الجنة فضل عمن دخلها فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة. Dans un hadith, il dit que les gens ne cessent d'être jetés au feu. Ils sont jetés au feu. Vous voyez, en quantité. Et l'enfer dit, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore? C'est-à-dire, à la place, le feu de l'enfer veut encore. À tel point que Allah finira par mettre son pied dans le feu. Et ça, c'est parmi les sifat d'Allah Azza wa Jal. Taïeb, le pied. Maintenant, c'est une sifat, comme on expliquait tout le temps dans les durus, son comment est ignoré. Wala sakamis lishay, il y a un qui est comme lui. Cependant, un pied, on sait ce que cela veut dire. Et le texte là, c'est un hadith rapporté par Muslim, qui est authentique. Donc, Allah Azza wa Jal, on affirme qu'il a un pied. Taïeb. Et que son pied, il le mettra au feu. Dans le feu de l'enfer. Et l'enfer dira, quand, c'est-à-dire, ça suffit. Taïeb. Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jal sortira des gens de ce feu pour les mettre au Jannah. Et ce hadith, c'est le shahid pour dire qu'Allah Azza wa Jal lui-même sortira des gens du feu. Taïm. Donc de là, on a fini justement ces deux questions qui étaient relatives à la shafa'a. Donc on va s'arrêter là, bizna ta'ala. Alhamdoulilah, il n'y a pas eu de coupure. Et on vous donne rendez-vous demain pour la muhadara, la conférence qui était prévue dimanche dernier. Je n'ai pas pu donner car j'étais malade. Et Inch'Allah, demain, je ferai en sorte de me rendre dans un lieu où il n'y aura pas de coupure. Afin de pouvoir la dispenser. Non. Taïeb. Fanaktafi bihad al-qadr. Fasubhanaka wa bihamdik. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.